Séduction très douce, mais maintenant je suis un peu dangereux. Je voudrais dormir avec toi, je voudrais dormir avec mon musique, les musiques et mon groove. Je voudrais rester avec toi. Je suis venu te dire mes sentiments, ma fiction. Aujourd'hui encore, je suis toujours là. Tu veux sentir son contact. Je pense en toi. Je pense. Je t'aime. Thank you. Yes.